Rappelez-vous, c'était l'été dernier. Deux journalistes européens qui ne faisaient que leur métier étaient condamnés à 15 ans de prison. Malgré l'éloignement, cela se passait au Laos, une véritable campagne de presse a été engagée. Des diplomates se sont entremis et après quelques semaines de détention, les deux hommes ont été libérés. Une histoire qui se terminait bien. Une histoire presque banale, tant d'autres journalistes dans le monde entier paient de leur vie le simple droit d'exercer leur métier. Oui, mais la mésaventure de ces reporters a eu au moins le mérite de jeter un bref coup de projecteur sur un peuple oublié, les Hmong, une ethnie montagnarde qui vit au nord du Laos et qui, au fil des guerres, a été utilisée, manipulée et finalement abandonnée dans les poubelles de l'histoire. Selon les dernières informations, il serait environ 2000 malades, affamés, à mener un combat désespéré sans issue contre les troupes gouvernementales laotiennes et le régime communiste. Un dernier avatar tragique des guerres d'Indochine, celle où se sont fourvoyées les armées françaises puis américaines. C'est en allant voir de plus près ces guérilleros oubliés que les deux journalistes ont été arrêtés. Aussi ai-je demandé à M. X d'éclairer la malheureuse histoire des Hmong et plus généralement celle du Laos. Un petit pays où pendant des années, les Américains ont mené une guerre secrète, mais particulièrement meurtrières. Leurs avions y ont déversé des millions de tonnes de bombes, des bombes qui tuent encore car un cinquième d'entre elles n'a toujours pas explosé. Ils se soucient encore des Hmong. Pas grand monde, faut le dire. Et pourtant, ces farouches montagnards ont été autrefois l'objet de bien des attentions. Enfin, des attentions nullement désintéressées, bien sûr. Pour comprendre, il suffit de regarder une carte. Les Hmong vivent, ou plutôt vivaient, car nombre d'entre eux ont été tués ou ont dû s'exiler, au nord du Laos, c'est-à-dire à la frontière du Vietnam, de la Chine et de la Birmanie. Une région stratégique. Oui, qui permet bien des trafics. D'autant qu'on trouve aussi des Hmong au Nord-Vietnam, en Chine ou encore en Thaïlande. Et d'où viennent-ils, enfin, si je puis dire? Sans doute de Chine, où on les considérait comme des barbares, où on les traitait comme tels. Ils ont fui vers le sud, vers l'Indochine. Et là, ces perpétuels rebelles se sont réfugiés dans les montagnes. Alors, de quoi vivaient-ils? Essentiellement de cultures de riz sur brûlis, mais la Seconde Guerre mondiale va bouleverser leur mode de vie. Pour quelle raison, alors? Le conflit perturbe le commerce de l'opium. L'opium chinois, oui, c'est ça. Et les Français d'Indochine ont alors l'idée de développer la production locale. Il faut rappeler, je crois, que la vente d'opium était légale. Elle faisait l'objet d'un monopole d'État. On vendait de l'opium comme aujourd'hui on vend du tabac. Enfin bref, les Français encouragent donc les Hmong, qu'on appelle aussi les Meo, à cultiver le pavot dans leur refuge montagnard où même l'occupant japonais aura du mal à pénétrer. Culture rentable. Très rentable. Les Hmong qui ont toujours vécu misérablement connaissent alors une certaine prospérité. Mais en 1945, la production de l'opium et donc son commerce deviennent illégaux. Donc, ils cessent de cultiver le pavot. Bien sûr que non. Mais désormais, les filières d'exportation deviennent clandestines et plus dangereuses. Et c'est alors que l'armée française va venir au secours des Hmong. Ce sont des avions militaires qui vont transporter la drogue, à condition que les Hmong s'engagent dans la lutte contre les Vietnamiens. Oui, donnant, quoi. Oui. Ils le font d'autant plus volontiers que ceux qui vivent au Nord-Vietnam sont presque naturellement hostiles aux communistes. Oui, toujours cet esprit rebelle. Oui. Et lorsque les Français vont partir, après Dien Bien Phu, et la reconnaissance de fait de l'indépendance du Nord-Vietnam, du Cambodge et du Laos, les Américains qui reprennent à leur compte la lutte contre les communistes vont trouver en eux des auxiliaires dévoués. Est-ce que ça signifie que les Américains aussi vont aider les Hmong à commercialiser leur opium? Bien entendu. Enfin, n'allons pas trop vite. Les États-Unis nous remplacent donc au Vietnam. Militairement, pas tout de suite. Oui, c'est vrai. Mais les Américains sont très présents. Ils ont envoyé des instructeurs militaires et naturellement de nombreux agents de la CIA. La raison, c'est que Hanoï n'a pas accepté la partition du pays décidée par la conférence de Genève de 1954 et est décidé à tout faire pour obtenir la réunification du Vietnam. Par la force. Évidemment. C'est ainsi qu'est réactivée la guérilla au sud. Ce qu'on appelle le Viet Cong. Oui, un mouvement de libération nationale qui est soutenu et armé par le Nord. Ça va conduire Washington à s'impliquer de plus en plus. Au nom de la fameuse théorie des dominos. C'est ça. Si un pays asiatique tombe aux mains des communistes, les autres suivront comme des rangées de dominos qui s'écroulent. C'est Kennedy qui va faire le premier pas en envoyant au Vietnam des milliers de conseillers militaires qui ne vont pas se contenter de conseiller. Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont combattre aussi. Oui, c'est aussi Kennedy qui va créer les fameux bérets verts, une troupe spécialisée dans les combats anti-guérilla. Donc c'est donc JFK qui porte la responsabilité de l'engagement de son pays dans le bourbier vietnamien. Incontestablement. Et dans l'interminable guerre qui commence, le Laos est un pion essentiel. à cause de sa longue frontière avec le Vietnam. Hein. Et aussi parce que le Laos est l'un de ces dominos qui pourrait bien tomber un jour. D'accord. Alors, quelle est la situation du Laos? Elle est très compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. En principe, le Laos, qui est une monarchie, est neutre. Mais trois factions dirigées par trois princes se disputent le pouvoir. Un petit mot qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, on appelle le Laos le pays du million d'éléphants. Joli nom. En effet, mais même si je doute qu'il existe encore un million d'éléphants au Laos. Hein. Oui, moi aussi. Alors je reprends. Le prince Souvanafuna est le représentant de la faction neutraliste et modérée. En face, il y a un autre prince, Souphan Vong, qui est à la tête d'un mouvement communiste armé, le Pathet Lao. Oui. Une organisation qui bénéficie du soutien actif du Nord-Vietnam. Alors, la troisième faction, là. Ce sont les nationalistes qui ont la faveur de l'armée et du gouvernement royal dirigé par le prince Savang. Pendant plusieurs années, c'est le chaos. Il y a des putschs, des contre-putschs et des changements incessants d'alliances. Et comme vous pouvez l'imaginer, les grandes puissances ne sont pas étrangères à ce tohu-bohu politique. Mais vous voulez parler quoi de l'URSS et des États-Unis, bah, essentiellement. Oui, oui, oui. Est-ce que ces puissances sont tentées d'intervenir directement? Oui. À peine élu, John Kennedy apparaît à la télévision et devant une carte parle à ses concitoyens du Laos. C'est assez étonnant car la plupart des Américains ignorent complètement où se trouve ce petit pays asiatique de 5 millions d'habitants. Il paraît qu'il y en a qui ne savent même pas où est la frontière. Et que dit-il, là? Ses propos sont très alarmistes. D'après lui, le Laos, miné par les forces communistes, va incessamment s'effondrer. Il faut donc se préparer à intervenir et à affronter les communistes. Alors, une guerre pour le Laos? Oui, aussi fou que cela paraisse. Et le président Kennedy annonce qu'il va envoyer des unités terrestres et aériennes au nord de la Thaïlande. C'est très inquiétant parce que ça peut dégénérer en affrontement direct avec les Soviétiques. Pourquoi les Soviétiques sont-ils physiquement sur place? Ils ont des conseillers. En outre, le Pathet Lao et le Nord-Vietnam disposent d'avions russes pilotés par des Russes. Ouais. Donc le danger est réel. Mais heureusement, Kennedy et Khrouchtchev se rencontrent en juin 1961 à Vienne et ils décident de calmer le jeu. Peu après, sous l'égide des grandes puissances et des principaux acteurs de la région, les trois factions belligérantes se réunissent à Genève et font la paix. Ouais. La neutralité du Laos est réaffirmée et le Nord-Vietnam s'engage à retirer ses troupes. Bien entendu, il n'en sera rien. Oui, parce que les Nord-Vietnamiens continueront à aider le Pathet Lao. Et tandis que les Américains en feront de même avec les Khmong. Le résultat, c'est que dans les années à venir, des combats très violents ne cesseront d'opposer les deux camps dans les montagnes du nord du pays. Et l'implication américaine va aller grandissant. Une implication secrète, en principe tout du moins. Mais tout ça est très hypocrite. Pourquoi hypocrite alors? Officiellement, Américains et Soviétiques respectent la neutralité du Laos. Ah ouais, donc ils ne peuvent agir que clandestinement, c'est et ça. Et en feignant d'ignorer ce que fait l'autre, ce qui évite les rodomontades et surtout les affrontements directs. Ouais, c'est moins dangereux aussi. Sur le plan de la sécurité mondiale, c'est certain. Alors comment ça se passe? Pour les Soviétiques, c'est facile. Leurs amis du Pathet Lao tiennent une région du nord du pays qui est pratiquement incontrôlable. Pour les Américains, c'est plus délicat. Au terme des accords de Genève, ils ne peuvent envoyer de troupes régulières, je veux dire. Mais alors, des irréguliers? Oui, des types de la CIA. L'agence va mener sa propre guerre, dans les airs comme au sol, une guerre secrète qui va durer une dizaine d'années. Et c'est là que nous retrouvons les Hmong. Autant pour sauvegarder les apparences que pour des raisons d'efficacité, les Américains vont faire la guerre par Hmong interposés. Et ils vont trouver un chef, un seigneur de la guerre, un certain Wang Pao, un homme qui va peu à peu devenir une sorte de légende. Hypocrisie, a dit Monsieur X, oui. Et William Colby, un ancien patron de la CIA, qui était alors le chef des opérations de l'agence dans le sud-est asiatique, le reconnaît sans embâche dans un livre de mémoire paru chez Perrin en 1992, je le cite. « L'aptitude de la CIA à effectuer des opérations clandestines devint la clé de notre position à l'égard du Laos. Dans la mesure où ces activités étaient officiellement secrètes, elles pouvaient être menées sans que personne en fût officiellement informé, particulièrement l'Union soviétique. Par conséquent, les soviétiques pouvaient officiellement les ignorer, ce qui fut effectivement le cas pendant 10 ans. Ils maintinrent leur ambassade à Vientiane, la capitale du Laos, où ils entretinrent des relations avec l'ambassade des États-Unis, tout en sachant pertinemment que les Américains opéraient au Laos et le ravitaillaient. La position des Soviétiques étant qu'ils avaient obéi aux clauses des accords en se retirant du pays et n'étaient aucunement responsables des Nord-Vietnamiens sur qui ils exerçaient d'ailleurs bien peu d'influence, ils pouvaient s'en tenir à l'accord de statu quo conclu entre Khrouchtchev et Kennedy. De surcroît, le fait que la CIA fût l'agence responsable des actions américaines signifiait que l'armée américaine, avec ses grands états-majors et de lourdes structures de soutien, n'était pas engagée. Qui était ce seigneur de la guerre, là, comme vous avez dit, ce Wang Pao? Qui est, plutôt, car le général Wang Pao vit toujours en exil aux États-Unis, oui. Ce chef Hmong a commencé sa carrière militaire dans l'armée française. À 17 ans, il s'est engagé comme pisteur à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce titre, il a participé à la lutte contre l'occupant japonais. En 1954, quand vient l'indépendance, le capitaine Wang Pao rejoint l'armée royale, monte en grade et y gagne ses étoiles de général. Très vite, il va être repéré par la CIA. Repéré, il est recruté, quoi. Oui, c'est un type charismatique qui jouit d'un grand prestige chez les siens. C'est donc une recrue d'importance pour les Américains. Wang Pao va être un acteur essentiel dans la lutte contre les communistes du Pathet Lao et les troupes nord-vietnamiennes infiltrées au Laos. Mais c'est un nationaliste. Certainement. Il combat chez lui, dans ces montagnes du Nord où vivent la plupart des Hmongs. J'ajoute que ce guerrier qu'on va appeler le général des Hmongs contrôlera aussi la culture du pavot et le trafic de l'opium. Il faut savoir que le Laos est alors le troisième producteur mondial d'opium après l'Afghanistan et la Birmanie. Ouais, le fameux triangle d'or. C'est ça, oui. Et m'avez-vous dit, ce trafic s'opère avec le consentement de la CIA et même avec son aide? Il ne peut en être autrement. La culture du pavot est la principale ressource des Hmongs. Par conséquent, si les Américains veulent s'assurer de leur concours dans la lutte contre les communistes, ils doivent au minimum fermer les yeux. En outre, ce trafic finance aussi cette guerre secrète. Au moment même où la drogue commence à envahir les États-Unis, oui, il faut le rappeler. Hein, je sais, c'est pas très moral, mais après tout, ce sont les Français qui avaient commencé. Ce qui n'excuse rien. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais nous en avons parlé à plusieurs reprises. Les services secrets ont souvent privilégié la fin sur les moyens. Mm-hmm. On peut le regretter, mais c'est la vérité. Au Laos, ça n'ira pas sans provoquer des frictions avec les officiels américains. Et qui? Les diplomates en poste à Vientiane, ou les conseillers militaires. Mais dans ce pays, les centaines de types de la CIA sont chez eux. C'est leur guerre, et ils ne tolèrent pas qu'on se mêle de leurs affaires. Vous dites des centaines d'agents de la CIA? Oui, au Laos, la CIA va mener la plus importante opération paramilitaire de son histoire. Et l'agence a alors à son service un outil très pratique. Vous avez déjà entendu parler d'Air Américain, hein? Il me semble que vous avez déjà évoqué son existence chez Pierre. Oui, c'est très possible, car cette compagnie aérienne a souvent été impliquée dans les actions secrètes de la CIA. Air Américain a d'abord existé sous le nom de CAT, c'est-à-dire la Civil Air Transport, une petite compagnie créée en Chine peu avant la Seconde Guerre mondiale. Une compagnie ordinaire? Comme son nom l'indique, oui. Mais c'est à l'occasion de la guerre secrète du Laos que la CAT va devenir Air America, car cette compagnie a été purement et simplement rachetée par la CIA. Officiellement? Bien sûr que non. Son nouveau propriétaire est une holding, la Pacific Corporation. Pacific, c'est amusant, hein? Certes, mais Air America aura aussi des activités purement commerciales, en particulier en travaillant pour un organisme américain chargé de distribuer de l'aide humanitaire. Couverture? Bien entendu. En tout cas, ces activités fort rentables arrondiront la bourse de la CIA. Il n'y a pas de petit profit. Hein. Surtout quand il s'agit de financer des opérations illégales. Mais enfin, passons. Air America est donc la compagnie aérienne de la CIA. Au Laos, elle va disposer d'une flotte aérienne considérable, des dizaines d'appareils, avions et hélicoptères. Des appareils militaires? Pas tous. Il y a aussi des avions de fret, mais on peut facilement en faire des bombardiers. Et d'où viennent ces appareils, alors? Beaucoup, je parle des bimoteurs B-26, ce sont des avions qui ont servi au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et qui ne sont plus utilisés par l'US Air Force? Ce sont aussi les mêmes genres d'avions qui serviront lors de la désastreuse opération de la baie des Cauchemars. Cuba, oui. Ouais. Ces appareils dépourvus de toute identification vont peu à peu arriver au Laos ou au nord de la Thaïlande au début des années 60. Et les pilotes? La plupart sont des pilotes de l'US Air Force, mais auparavant, ils ont dû démissionner de l'armée. Pourquoi? Pour ne pas impliquer le gouvernement des États-Unis s'ils étaient abattus ou faits prisonniers? Naturellement. Ces pilotes qui vont être très bien payés savent donc qu'ils accompliront des missions dangereuses et sans parachute, si j'ose dire. Ce sont des aventuriers ou encore, ce n'est pas contradictoire, de farouches anticommunistes. Mais ces missions, justement, là. Elles sont de plusieurs natures. Il y a d'abord des vols de reconnaissance effectués pour repérer les forces ennemies. Ouais, le Pathet Lao. Et les unités régulières du Nord-Vietnam. Ouais. Ensuite, il s'agit, grâce à cette reconnaissance, de guider les forces Hmongs qui se trouvent au sol. Il y aura aussi des missions de ravitaillement en vivres et en armes. Et pour cela, il sera construit dans la montagne des dizaines de pistes d'atterrissage. Des pistes d'atterrissage dans la montagne? Oui, les Américains utiliseront alors des appareils à décollage court. Des avions qui peuvent atterrir et décoller sur une cinquantaine de mètres seulement. Enfin, ces pilotes auront aussi à accomplir des missions de bombardement. Et de nombreux bidons de napalm seront déversés sur les villages hostiles. Et au sol, que se passe-t-il? Il y a les Hmongs. Les Hmongs. Wang Pao va bientôt disposer d'une véritable armée qui regroupera des milliers de combattants aguerris. Mais à l'inverse de la guerre qui va opposer au Vietnam les forces américaines et sud-vietnamiennes, au Viet Cong et aux troupes de Hanoï, au Laos, on assistera surtout à des opérations de guérilla. Mais peut-être est-ce dû à la nature du terrain, hein, ces combats dans les montagnes. Pour une part, oui. Ouais. Mais il y a aussi cette fiction de la neutralité du pays. En principe, les États-Unis ne sont pas engagés dans ce conflit. Et à part les instructeurs militaires chargés officiellement de former les soldats de l'armée royale, il n'y a pas d'Américains sur le terrain. Mais l'hypocrisie, toujours. Oui, ouais. c'est un secret de polichinelle. Mais dans l'autre camp, on ne peut rien dire. Car les Nord-Vietnamiens sont toujours plus nombreux au Laos. Donc, de part et d'autre, la souveraineté laotienne est violée. Et bientôt, il ne sera plus seulement question du domino Laos, qui risque de tomber ou en entraînant les autres. Il y a plus important pour les Américains. La piste Ho Chi Minh. Oui, cette piste qui permet au Nord-Vietnam d'acheminer au sud des troupes et des armes. C'est exact. Ouais. Vous avez certainement vu des images de ces invraisemblables convois. Des files de bicyclettes chargées de ballots cheminant à travers la jungle. Mais au fur et à mesure, cette piste deviendra une véritable autoroute où circuleront des camions et même des blindés. D'ailleurs, même le mot piste est inexact. En fait, il s'agit d'un véritable réseau de routes et de chemins. Oui. Mais le rapport avec le Laos ? Au nord, la piste Ho Chi Minh passait par le Laos. Et ce sont les troupes du Pathet Lao, épaulées par des bataillons nord-vietnamiens qui assuraient sa protection. Les Américains vont donc tout faire pour couper ce cordon ombilical qui irrigue la rébellion Viet Cong au sud. Ils pensent que s'ils arrivent à leur fin, ils pourront gagner la guerre contre les communistes. C'est donc la priorité. Et la mission principale de la CIA et des pilotes d'air américains. La guerre secrète au Laos va par conséquent redoubler. De plus en plus d'avions vont être engagés. Et la CIA entreprend de construire une véritable ville secrète au Laos. Une ville secrète? Oui, une ville qui n'apparaît sur aucune carte, mais qui existe bel et bien. Nichée au creux d'une vallée entourée de montagnes, elle comptera jusqu'à 40 000 habitants regroupés autour d'une piste d'atterrissage construite en dur. Mais cette ville secrète-là, qui y habite? Des Américains, mais surtout des Hmongs du général Van Pao, installés là avec femmes et enfants. Naturellement, cette base est pourvue d'équipements sophistiqués, une vraie forêt d'antennes avec balises radio, appareils de télécommunication et j'en passe. Et dès la tombée de la nuit, c'est un balai incessant d'avions et d'hélicoptères. Certains de ces appareils allaient même effectuer des bombardements au-dessus du Nord-Vietnam. Il est quand même, je pense, insensé de penser que l'existence de cette ville ait pu si longtemps rester secrète. C'est pourtant la vérité. C'est un journaliste qui la découvrira un peu par hasard. Naturellement, il en sera aussitôt chassé, mais l'information finira par transpirer. Et ça changera quelque chose ? Non, parce que l'intrusion du journaliste s'est produite à la fin de la guerre. À un moment où Nixon pensait déjà à mettre fin à l'engagement américain au Vietnam, et donc également au Laos. Mais ce retrait sera, comme vous pouvez l'imaginer, un véritable drame pour les Hmongs. Les pilotes qui opéraient ces actions clandestines au Laos s'appelaient entre eux des Ramens, c'est-à-dire des corbeaux. Dans son livre « Les ailes de la CIA », publié chez Histoire et Collection, Frédéric Laird raconte « Pour des raisons aussi diverses que secrètes, la CIA empruntait des officiers à la Navy, aux Marines, à l'armée ou à l'US Air Force. L'agence utilisait les hommes pour mener ses propres opérations sans toutefois que cela lui coûte un sou, puisque les officiers continuaient à être payés par leurs armes d'origine. Non seulement celle-ci payait des gens qui travaillaient pour une autre agence gouvernementale, mais encore devait-elle justifier de chacune de ses dépenses, ce qui n'était bien sûr pas le cas de la CIA. Conduite sur le terrain par les hommes de la CIA, la guerre au Laos était également financée par l'agence de renseignement. On pouvait tout demander à la CIA, explique un pilote, elle faisait toujours son possible pour nous satisfaire. La logistique, qui passait par Air America, était également de son ressort. Nous étions en fait très autonomes vis-à-vis de l'Air Force. La liberté d'action était incroyable par rapport au Vietnam. Aux yeux de la hiérarchie de l'US Air Force, les Ravens n'étaient en revanche qu'une bande de pirates. Plusieurs essais avaient été faits pour reprendre en main les pilotes du programme. À chaque fois que l'Air Force avait essayé d'intégrer de nouveaux éléments fraîchement émoulus de l'Académie militaire, loin d'influencer les autres Ravens, les nouveaux venus avaient été rapidement happés par le système Ravens. Selon le mot d'un officier d'état-major, ils devenaient eux aussi des bandits mexicains. Avant de poursuivre, je dois dire que ces pilotes d'Air America prenaient des risques insensés. En volant à basse altitude, à bord d'avions relativement lents, ils étaient très vulnérables. Et il ne se passait pas de jour sans qu'un appareil soit touché. Beaucoup de pilotes l'ont payé de leur vie. Mais est-ce que cette guerre secrète a été efficace, sur le plan militaire, j'entends? Les Américains ont pu le penser à la fin des années 60. On estime qu'ils ont réussi à détruire des milliers de camions nord-vietnamiens qui circulaient sur la piste Ho Chi Minh. En outre, les bataillons du général Van Pao ont pu s'établir solidement dans la plaine des Jarres, au centre du Laos. Mais les communistes n'ont pas tardé à réagir. Et Wang Pao a dû reculer au prix de lourdes pertes. Mais ça, c'était le commencement de la fin. Oui, ouais. Devant l'avance communiste, les populations civiles ont commencé à fuir. Air America a participé largement à leur évacuation sans cesser pour autant ses propres missions de bombardement au-dessus de la piste Ho Chi Minh. Mais il était clair que la déroute menaçait, d'autant que les Américains commençaient à discuter avec les Nord-Vietnamiens. Oui, ça c'est 1973. Et quelles conséquences pour les Hmong ? Terrible. Les derniers combats sont extrêmement meurtriers. Wang Pao est obligé de mobiliser les enfants. Quant aux civils, ils doivent s'éloigner au plus vite des zones de guerre. Des marches épuisantes dans une nature inhospitalière. Alors, est-ce qu'on peut dire que les Hmong ont été lâchés par leurs alliés américains ? Ça y ressemble, bien sûr. Même si les pilotes d'Air America feront leur possible pour sauver le maximum de gens et les ravitailler au cours de leur fuite. Mais c'est vrai, les Américains, après s'être servis des Hmong, vont les abandonner à leur triste sort. Mais les Français ont-ils agi autrement ? Quand ils ont laissé tomber les auxiliaires vietnamiens qu'ils avaient recrutés et qui ont ensuite été massacrés par les forces communistes. Oui, et ça se reproduira en Algérie avec la chasse des harkis. Hein. Vous avez tout à fait raison, mais dans cette affaire, il y a un autre drame. Tout au long de cette guerre secrète qui a duré presque 15 ans, les avions américains ont largué sur le Laos un tonnage de bombes supérieur à celui de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'entre elles n'ont pas explosé. Ça signifie que des régions entières ne sont plus habitables. Dire que la guerre continue après la guerre. Oui. Il faut aussi parler des agents chimiques qui ont été utilisés pour détruire la forêt et rendre la piste Ho Chi Minh plus visible. Elle est défoliante. Malheureusement, oui. Et le général Wang Pao ? Ben, il résiste jusqu'au bout. Il s'est retranché dans cette ville secrète dont je vous ai parlé. Une base qui est maintenant quasiment encerclée par le Pathet Lao et les troupes nord-vietnamiennes. Et en 1975, quelques semaines avant la chute de Saigon, la CIA prend la décision de l'évacuer. Une nouvelle opération d'Air America, hein ? Non. Non, non, ah la bon. Compagnie de la CIA a sombré avec la défaite et le désengagement progressif des Américains. Ses pilotes ont déjà regagné les États-Unis. Donc la CIA doit trouver en toute hâte des avions et des pilotes. La mission est risquée. Mais Wang Pao et les Hmong qui se trouvent encore à ses côtés sont évacués et immédiatement conduits en Thaïlande. Quelques jours plus tard, la ville secrète tombe aux mains des communistes. Donc les Américains ont... Hein, soyons francs, n'ont pas tout à fait laissé tomber les Hmong. C'est juste, mais ce n'était peut-être pas sans arrière-pensée. Que vous voulez dire ? En 1975, la CIA a compris qu'elle avait perdu, aussi bien au Vietnam qu'au Laos. Mais elle ne désespère pas de prendre un jour sa revanche. Dans cette perspective, il peut être utile de sauver le général Wang Pao, qui jouit d'un incomparable prestige dans la communauté Hmong. Avec l'idée de reprendre le combat ? Je le pense, et c'est ce qui va se passer, effectivement. Attendez, avant d'aller plus loin, là... Qu'advient-il au Laos après le départ des Américains en 1975 ? La fiction de la neutralité du Laos vole en éclats, bien sûr. À la fin 1975, les communistes s'emparent du pouvoir et liquident une grande partie de la famille royale. En même temps, il faut le noter, les Nord-Vietnamiens règnent à Saigon et les Khmers rouges triomphent au Cambodge. C'est donc une partie notable de la péninsule indochinoise qui se trouve sous contrôle communiste. Mais cette revanche-là que vous évoquiez... Elle ne tarde pas à se manifester. Dans l'ombre, car on n'en parlera pas beaucoup. Si de nombreux Hmong ont quitté le Laos pour trouver refuge en Thaïlande, aux États-Unis, comme Wang Pao, en France et même en Guyane française, d'autres sont en effet demeurés dans leurs montagnes. Ah, où ils continuent de cultiver le pavot. Oui, naturellement. Et soutenus par les Thaïlandais, les Américains et les Chinois, ils vont mener la lutte contre les communistes installés à Vientiane. Enfin, c'est une guérilla. Des guérillas, plutôt, car les Hmong ne sont pas les seuls à se rebeller. Et Américains et Chinois, avez-vous dit, curieuse alliance, non ? Non, pas tant que ça. Ils ont un ennemi commun, l'URSS. Or, les Soviétiques ont envoyé au Laos des conseillers. Des conseillers qui ont pris en sorte la place des Américains. Un peu, oui. Mais est-ce que ces guérillas peuvent sérieusement inquiéter le gouvernement communiste laotien ? Eh bien, contre toute attente, oui. En 1977 et 78, ces rebelles parviennent même à contrôler une grande partie du pays. Mais ces guérillas ne sont pas unies et combattent en ordre dispersé. Certains maquis, d'ailleurs, n'existent que pour protéger les cultures de pavots. Le résultat, c'est que les Laotiens demandent à leurs grands frères nord-vietnamiens d'intervenir massivement. Et au cours de la décennie 80, le calme revient peu à peu. Est-ce que le général Wang Pao prend part personnellement à ces combats ? Non, je vous l'ai dit, il est parti aux États-Unis où il a créé un gouvernement laotien en exil. Mais il compte encore de nombreux partisans et il se rend très souvent en Thaïlande où il tente de coordonner la lutte contre les communistes. Mais il va bientôt être déclaré indésirable en Thaïlande. Pourquoi ? Parce que ce pays va se rapprocher de son voisin laotien, ce qui va conduire à l'assèchement progressif de la guérilla. Assèchement provoqué aussi par la fermeture des camps de réfugiés en Thaïlande. Des camps où les rebelles pouvaient espérer recruter. Mais alors, ils sont allés où, ces réfugiés? Bavencian a accepté qu'un certain nombre d'entre eux reviennent dans leur patrie. Sous contrôle, évidemment. Il n'était pas question de permettre à ces réfugiés de regagner directement leur montagne et de reprendre peut-être le combat contre les forces loyalistes. Alors, aujourd'hui, est-ce que le pays est calme? Non. Non, il existe toujours des foyers de rébellion Hmong. Et il y a des régions montagneuses où il n'est pas conseillé aux touristes de pénétrer. Ils risqueraient d'être enlevés ou même tués. En 2003, des embuscades tendues par des rebelles ont fait une vingtaine de morts. Des morts, des touristes? Oui, vous voulez mais dire, bien sûr, au Laos, on en parle le moins possible. C'est pourquoi deux de vos confrères ont été arrêtés il y a peu. Oui, parce qu'ils voulaient faire un reportage sur les Hmong, hein, c'est ça? Officiellement, pour les autorités communistes de Vientiane, il n'existe plus de rébellion. Mais c'est parfaitement faux. Il y a toujours des irréductibles. Sinon, comment expliquer qu'au moins une division vietnamienne continue à être stationnée dans le nord du pays, alors qu'en principe, les forces de Hanoï ont quitté le pays en 1989? Est-ce qu'on a une idée du nombre de Hmong qui continuent à résister? Quelques centaines, peut-être. Mal armés et vivant dans des conditions très précaires. Une poignée de malheureux qui payent le prix d'une guerre qui n'était pas forcément la leur, mais dans laquelle ils ont été entraînés malgré eux. Par les Américains. Et plus généralement par les Occidentaux, qui ont utilisé leur courage et leur aptitude naturelle à se battre, au nom de la lutte contre le communisme. Mais savaient-ils vraiment quel était l'enjeu d'un combat qui les dépassait? L'histoire du peuple Hmong est une vraie tragédie. Pour finir, je voudrais citer les déclarations de l'un des deux journalistes arrêtés au Laos et libérés en juillet dernier. Thierry Falise, qui connaît bien la région, parle d'oublier de l'histoire. Et il conteste que les gens qu'il a vus, tenaillés par la faim, harcelés par les miliciens gouvernementaux et menacés d'extinction, constituent une véritable guérilla. Voici ce qu'il dit enfin, je le cite. Cette communauté comprend 600 personnes, dont 60% d'enfants et de nombreuses femmes. Il y a une bonne soixantaine d'hommes qui ont des vieilles armes rafistolées avec des bouts de ficelle. Ils ne s'entraînent jamais, mais je suis sûr qu'ils ne savent pas comment combattre. Falise raconte encore que lorsqu'il est arrivé avec son collègue, un traducteur Hmong américain, après 4 jours de trek, dans cette communauté cachée dans les forêts de la zone spéciale de Sesombun, à environ 150 km au nord-est de Vientiane, les Hmong les ont pris pour une unité d'éclaireurs américains venus les sauver. C'était très émouvant, affirme-t-il. Tous les hommes étaient devant, puis derrière, les enfants et les femmes qui pleuraient, qui nous touchaient, qui tendaient les mains. Ils vivent sur une autre planète, complètement en dehors de la réalité. Une scène qui s'est passée presque 30 ans après le départ de la CIA du Laos.